mejor. ¡Bla! Pa sumi, no nos ni pa sumi. Guapas ni pa sumi, non nos ni pa sumi. C'est pour toute ma famille et mes potes que j'ai rappé. Pa sumi, oh Mike Zero D. Et rien ne pourra m'arrêter. Pa sumi, non nos ni pa sumi. Mon frère, tu sais que ces dernières années, j'ai pas chômé, resté caché, seulement 2-3 personnes à qui parler. Certains pouvaient penser que je faisais rien de ma vie. En voulant essayer de juger, t'as perdu beaucoup d'amis. T'espères me voir échouer, et c'est pour ça que tu souris. Mais maintenant que je suis relevé, tu fermes ta gueule quand j'écris. Je suis pas là pour insulter, mais mettre les points sur les i. Toujours la même vérité, la passion de mes récits. Mon blast est juste érodé. Je sais très bien qu'il est pourri, mais pour les vrais passionnés, c'est pas le blast qui fait l'MC. J'ai rappé pour la vie, répondre à toutes ces questions. J'ai rappé pour ma famille, mais surtout pour le daron. Malgré ses bonnes résolutions, certains me prennent pour un con. Des petits connes et des bâtards osent me traiter de bouffon. Alors laisse-moi dans mon son, et si je trouve qu'il est pas bon, ma rime déchire ton âme comme un vulgaire sachet nylon. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. Crois-moi je n'ai pas chômé. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. C'est pour toute ma famille et mes potes que j'ai rappé. Pas chômé, oh Mike Zero D. Et rien ne pourra m'arrêter. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. Ces dernières années, j'ai pas chômé, R.O.D. Présent sur le beat pour innover. Oh, Mike, tu sais qui je suis, mon blast c'est R.O.D. Tu trouves peut-être qu'il est pourri, alors va te faire enculer. Ne me traite pas de fou, parce que je rappe pas pour les sous. N'espère pas un jour pouvoir me passer la corde au cou. Je veux pas nager dans les strass et toutes ces paillettes. Car pour l'instant dans ma vie, y'a assez de choses que je regrette. Je veux surtout pas faire l'erreur de rapper pour la monnaie. Je veux juste clamer l'amour, le bonheur dans tous mes couplets. Mais malheureusement dans ce monde, trop de gens parlent sans savoir utiliser des mots qui blessent, ne connaissent pas leur pouvoir. Trop m'ont déjà saoulé. Au Max R.O.D. présent sur le beat pour innover. Trop de gens espéraient me voir finir tout seul. Moralité de l'histoire, c'est toi qui as tout pris dans la gueule. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. Crois-moi je n'ai pas chômé. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. C'est pour toute ma famille et mes potes que j'ai rappé. Pas chômé, au Max R.O.D. Et rien ne pourra m'arrêter. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. Et j'ai choisi tous mes thèmes en regardant comment se passe le vie. Résoudre tous les problèmes, voilà le but qui anime mon esprit. J'ai pas chômé, j'ai bossé, pas glandé, surmonté. Je me suis racheté une conduite et une nouvelle volonté. J'espère pas me tromper, mais trop veulent me voir sombrer, tomber. Au lieu de parler, venez tous m'affronter. Pourquoi le soir je reçois des appels anonymes? Simplement parce que ma passion, c'est de manier la rime. Mais c'est un crime de penser qu'avec ton look de fashion victime, t'es juste bonne à sauter du haut d'un building. C'est juste ma façon de penser. Désolé si elle t'a saoulé. R.O.D. trop aimerait me voir dégringoler. On m'a traité de cinglé, on m'a traité de pédé. On a même essayé de m'empêcher de sortir mon CD. On m'a trop contaminé, bouffé, déjà trop saoulé. J'espère que tu fermes ta gueule quand je passerai à la télé. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. Crois-moi je n'ai pas chômé. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. C'est pour toute ma famille et mes potes que j'ai rappé. Pas chômé, oh Mike Zero D. Et rien ne pourra m'arrêter. Pas chômé, non non je n'ai pas chômé. R.O.D.